50 languages. 27. 27. في الفندق الوصول. À l'hôtel arrivé. À l'hôtel arrivé. ألديكم غرفة شاغرة؟ Avez-vous une chambre libre? Avez-vous une chambre libre? لقد قمت بحجز غرفة. J'ai réservé une chambre. J'ai réservé une chambre. اسمي مولر. Mon nom est Müller. Mon nom est Müller. أحتاج إلى غرفة مفردة. J'ai besoin d'une chambre simple. J'ai besoin d'une chambre simple. أحتاج إلى غرفة مزدوجة. J'ai besoin d'une chambre double. J'ai besoin d'une chambre double. كم سعر الغرفة في الليلة؟ Combien coûte la chambre pour la nuit? Combien coûte la chambre pour la nuit? أريد غرفة مع حمام. Je voudrais une chambre avec bain. Je voudrais une chambre avec bain. أريد غرفة مع دوش. Je voudrais une chambre avec douche. Je voudrais une chambre avec douche. أيمكنني رؤية الغرفة؟ Puis-je voir la chambre? Puis-je voir la chambre? هل لديكم مرآب؟ Y a-t-il un garage ici? Y a-t-il un garage ici? هل لديكم خزانة أمانات؟ Y a-t-il un coffre-fort ici? Y a-t-il un coffre-fort ici? هل لديكم جهاز فاكس؟ Y a-t-il un fax ici? Y a-t-il un fax ici? لا بأس. سأخذ الغرفة. Bon, je prends la chambre. Bon, je prends la chambre. إليك المفاتيح. Voici les clés. Voici les clés. هذه أمتعتي. Voici mes bagages. Voici mes bagages. متى موعد الإفطار؟ À quelle heure est servi le petit déjeuner? À quelle heure est servi le petit déjeuner? متى موعد الغداء؟ À quelle heure est servi le déjeuner? À quelle heure est servi le déjeuner? متى موعد العشاء؟ À quelle heure est servi le dîner? À quelle heure est servi le dîner?